Chapitre 8e. 6 semaines s'étaient écoulées, et il faut qu'il soit bien difficile à l'homme de se connaître lui-même, puisque Valentin ne savait encore laquelle de ses deux maîtresses il aimait le mieux. Malgré ces moments de sincérité et les élans de cœur qu'il emportait près de Madame Delaunay, il ne pouvait se résoudre à désapprendre le chemin de l'hôtel de la chaussée d'Antin. Malgré la beauté de Madame de Parnes, son esprit, sa grâce et tous les plaisirs qu'il trouvait chez elle, il ne pouvait renoncer à la chambrette de la rue du Plat d'Étain. Le petit jardin de Valentin voyait tour à tour la veuve et la marquise se promener au bras du jeune homme, et le murmure de la cascade couvrait de son bruit monotone des serments toujours répétés, toujours trahis avec la même ardeur. Faut-il donc croire que l'inconstance ait ses plaisirs comme l'amour fidèle? On entendait quelquefois rouler encore la voiture sans livrée qui emmenait incognito Madame de Parnes, quand Madame Delaunay paraissait voilée au bout de la rue, s'acheminant d'un pas craintif. Caché derrière sa jalousie, Valentin souriait de ses rencontres et s'abandonnait sans remords aux dangereux attraits du changement. C'est une chose presque infaillible que ceux qui se familiarisent avec un péril quelconque finissent par l'aimer. Toujours exposé à voir sa double intrigue découverte par un hasard, obligé au rôle difficile d'un homme qui doit mentir sans cesse, sans jamais se trahir, notre étourdi se sentit fier de cette position étrange. Après y avoir accoutumé son cœur, il y habitua sa vanité. Les craintes qui le troublaient d'abord, les scrupules qui l'arrêtaient, lui devinrent chers. Il donna 2 bagues pareilles à ses 2 amis. Il avait obtenu de Madame Delaunay qu'elle portait une légère chaîne d'or qu'il avait choisie au lieu de son collier de chrysocale. Il lui parut plaisant de faire mettre ce collier à la marquise. Il réussit à l'en affubler un jour qu'elle allait au bal, et c'est à coup sûr la plus grande preuve d'amour qu'elle lui ait donnée. Madame Delaunay, trompée par l'amour, ne pouvait croire à l'inconstance de Valentin. Il y avait de certains jours où la vérité lui apparaissait tout à coup claire et irrécusable. Elle éclatait alors en reproches, elle fondait en larmes, elle voulait mourir. Un mot de son amant l'abusait de nouveau. Un serrement de main la consolait. Elle rentrait chez elle, heureuse et tranquille. Madame de Parnes, trompée par l'orgueil, ne cherchait à rien découvrir et n'essayait de rien savoir. Elle se disait « C'est quelque ancienne maîtresse qu'il n'a pas le courage de quitter. » Elle ne daignait pas s'abaisser à demander un sacrifice. L'amour lui semblait un passe-temps, la jalousie un ridicule. Elle croyait d'ailleurs sa beauté un talisman auquel rien ne pouvait résister. Si vous vous souvenez, madame, du caractère de notre héros, tel que j'ai tâché de vous le peindre à la première page de ce conte, vous comprendrez et vous excuserez peut-être sa conduite, malgré ce qu'elle a de justement blâmable. Le double amour qu'il ressentait ou croyait ressentir était pour ainsi dire l'image de sa vie entière. Ayant toujours cherché les extrêmes, goûtant les jouissances du pauvre et celles du riche en même temps, il trouvait près de ces 2 femmes le contraste qui lui plaisait, et il était réellement riche et pauvre dans la même journée. Si, de 7 à 8 heures, au soleil couchant, 2 beaux cheveux gris, entraient au petit trot dans l'avenue des Champs-Élysées, traînant doucement derrière eux un coupé tendu de soie comme un boudoir, vous eussiez pu voir au fond de la voiture une fraîche et coquette figure cachée sous une grande capote, et souriant à un jeune homme nonchalamment étendu près d'elle. C'était Valentin et Madame de Parnes qui prenaient l'air après dîner. Si le matin, au lever du soleil, le hasard vous avait mené près du joli bois de Romainville, vous eussiez pu y rencontrer sous le vert bosquet d'une guinguette 2 amoureux se parlant à voix basse ou lisant ensemble La Fontaine. C'était Valentin et Madame Delaunay qui venaient de marcher dans la rosée. Étiez-vous ce soir d'un grand bal à l'ambassade d'Autriche? Avez-vous vu au milieu d'un cercle brillant de jeunes femmes une beauté plus fière, plus courtisée, plus dédaigneuse que toutes les autres? Cette tête charmante, coiffée d'un turban doré, qui se balance avec grâce comme une rose versée par le zéphyr, c'est la jeune marquise que la foule admire, que le triomphe embellit, et qui pourtant semble rêver. Non loin de là, appuyée contre une colonne, Valentin la regarde. Personne ne connaît leur secret, personne n'interprète ce coup d'œil et ne devine la joie de l'amant. L'éclat des lustres, le bruit de la musique, les murmures de la foule, le parfum des fleurs, tout le pénètre, le transporte, et l'image radieuse de sa belle maîtresse enivre ses yeux éblouis. il doute presque lui-même de son bonheur, et qu'un si rare trésor lui appartienne. Il entend les hommes dire autour de lui « Quel éclat, quel sourire, quelle femme !» Il se répète tout bas ces paroles. L'heure du souper arrive. Un jeune officier rougit de plaisir en présentant sa main à la marquise. On l'entoure, on la suit, chacun veut s'en approcher et brigue la faveur d'un mot tombé de ses lèvres. C'est alors qu'elle passe près de Valentin et lui dit à l'oreille « À demain !» Que de jouissance dans un mot pareil. Demain cependant, à la nuit tombante, le jeune homme monte à tâtons un escalier sans lumière. Il arrive à grand-peine au troisième étage et frappe doucement à une petite porte. Elle est ouverte, il entre. Madame Delaunay, devant sa table, travaillait seule en l'attendant. Il s'assoit près d'elle. Elle le regarde, lui prend la main et lui dit qu'elle le remercie de l'aimer encore. Une seule lampe éclaire faiblement la modeste chambrette. Mais sous cette lampe est un visage ami, tranquille et bienveillant. Il n'y a plus là ni témoin empressé, ni admiration, ni triomphe. Mais Valentin fait plus que de ne pas regretter le monde. Il l'oublie. La vieille mère arrive, s'assoit dans sa bergère, et il faut écouter jusqu'à 10 heures les histoires du temps passé, caresser le petit chien qui gronde, rallumer la lampe qui s'éteint. Quelquefois, c'est un roman nouveau qu'il faut avoir le courage de lire. Valentin laisse tomber le livre pour effleurer en le ramassant le petit pied de sa maîtresse. Quelquefois, c'est un piquet à 2 sous l'affiche qu'il faut faire avec la bonne dame et avoir soin de n'avoir pas trop beau jeu. En sortant de là, le jeune homme revient à pied. Il a soupé hier avec du vin de champagne en fredonnant une contredanse. Il soupe ce soir avec une tasse de lait en faisant quelques verres pour son ami. Pendant ce temps-là, la marquise est furieuse qu'on lui ait manqué de parole. Un grand laquais poudré apporte un billet plein de tendres reproches et sentant le musc. Le billet est décacheté, la fenêtre ouverte, le temps est beau, Madame de Parme va venir. Voilà notre étourdi grand seigneur. Ainsi, toujours différent de lui-même, il trouvait moyen d'être vrai, en n'étant jamais sincère, et l'amant de la marquise n'était pas celui de la veuve. Et pourquoi choisir? Me disait-il un jour qu'en nous promenant, il essayait de se justifier. Pourquoi cette nécessité d'aimer d'une manière exclusive? Blâmerait-on un homme de mon âge d'être amoureux de Madame de Parme? N'est-elle pas admirée, enviée? Ne vante-t-on pas son esprit et ses charmes? La raison même se passionne pour elle. D'une autre part, quel reproche ferait-on à celui que la bonté, la tendresse, la candeur de Madame Delaunay auraient touché? N'est-elle pas digne de faire la joie et le bonheur d'un homme? Moins belle, ne serait-elle pas une amie précieuse? Et telle qu'elle est, y a-t-il au monde une plus charmante maîtresse? En quoi donc suis-je coupable d'aimer ces deux femmes si chacune d'elles mérite qu'on l'aime? Et s'il est vrai que je sois assez heureux pour compter pour quelque chose dans leur vie, pourquoi ne pourrais-je rendre l'une heureuse qu'en faisant le malheur de l'autre? Pourquoi le doux sourire que ma présence fait éclore quelquefois sur les lèvres de ma belle-veuve devrait-il être acheté au prix d'une larme versée par la marquise? Est-ce leur faute si le hasard m'a jeté sur leur route, si je les ai approchées, si elles m'ont permis de les aimer? Laquelle choisirais-je sans être injuste? En quoi celle-là aurait-elle mérité plus que celle-ci d'être préférée ou abandonnée? Quand Madame Delaunay me dit que son existence entière m'appartient, que voulez-vous donc que je réponde? Faut-il la repousser, la désabuser et lui laisser le découragement et le chagrin? Quand Madame de Parme est au piano et qu'assis derrière elle, je la vois se livrer à la noble inspiration de son cœur. Quand son esprit élève le mien, m'exalte et me fait mieux goûter par la sympathie les plus exquises jouissances de l'intelligence. Faut-il que je lui dise qu'elle se trompe et qu'un si doux plaisir est coupable? Faut-il que je change en haine ou en mépris les souvenirs de ces heures délicieuses? Non, mon ami, je mentirais en disant à l'une des deux que je ne l'aime plus ou que je ne l'ai point aimée. J'aurais plutôt le courage de les perdre ensemble que celui de choisir entre elles. Vous voyez, madame, que notre étourdi faisait comme font tous les hommes, ne pouvant se corriger de sa folie, il tentait de lui donner l'apparence de la raison. Cependant, il y avait de certains jours où son cœur se refusait, malgré lui, au double rôle qu'il soutenait. Il tâchait de troubler le moins possible le repos de Madame Delaunay, mais la fierté de la marquise eut plus d'un caprice à supporter. « Cette femme n'a que de l'esprit et de l'orgueil, me disait-il d'elle quelquefois. Il arrivait aussi qu'en quittant le salon de Madame de Parme, la naïveté de la veuve le faisait sourire. et qu'il trouvait qu'à son tour elle avait trop peu d'orgueil et d'esprit. Il se plaignait de manquer de liberté. Tantôt une boutade lui faisait renoncer à un rendez-vous. Il prenait un livre et s'en allait dîner seul à la campagne. Tantôt il maudissait le hasard qui s'opposait à une entrevue qu'il demandait. Madame Delaunay était au fond du cœur celle qu'il préférait. Mais il n'en savait rien lui-même, et cette singulière incertitude aurait peut-être duré longtemps si une circonstance, légère en apparence, ne l'eût éclairé tout à coup sur ses véritables sentiments. On était au mois de juin, et les soirées au jardin étaient délicieuses. La marquise, en s'asseyant sur un banc de bois près de la cascade, s'avisa un jour de le trouver dur. « Je vous ferai cadeau d'un coussin, » dit-elle à Valentin. Le lendemain matin, en effet, arriva une causeuse élégante, accompagnée d'un beau coussin en tapisserie de la part de Madame de Parne. Vous vous souvenez peut-être que Madame Delaunay faisait de la tapisserie. Depuis un mois, Valentin l'avait vu travailler constamment à un ouvrage de ce genre, dont il avait admiré le dessin, non que ce dessin eût rien de remarquable. C'était, je crois, une couronne de fleurs, comme toutes les tapisseries du monde, mais les couleurs en étaient charmantes. Que peut faire d'ailleurs une main aimée que nous ne le trouvions un chef-d'œuvre? 100 fois, le soir, près de la lampe, le jeune homme avait suivi des yeux sur le canevas les doigts habiles de la veuve. 100 fois, au milieu d'un entretien animé, il s'était arrêté, observant un religieux silence, tandis qu'elle comptait ses points. 100 fois, il avait interrompu cette main fatiguée et lui avait rendu le courage par un baiser. Quand Valentin eut fait porter la causeuse de la marquise dans une petite salle attenante au jardin, il y descendit et examina son cadeau. En regardant de près le coussin, il crut le reconnaître. Il le prit, le retourna, le remit à sa place et se demanda où il l'avait vu. « Fou que je suis !» se dit-il. « Tous les coussins se ressemblent et celui-là n'a rien d'extraordinaire. » Mais une petite tache faite sur le fond blanc attira tout à coup ses yeux. Il n'y avait pas à se tromper. Valentin avait fait lui-même cette tâche, en laissant tomber une goutte d'encre sur l'ouvrage de Madame Delaunay un soir qu'il écrivait près d'elle. Cette découverte le jeta, comme vous pensez, dans un grand étonnement. « Comment est-ce possible ? » se demanda-t-il. « Comment la marquise peut-elle m'envoyer un coussin fait par Madame Delaunay ?» Il regarda encore. Plus de doute, ce sont les mêmes fleurs, les mêmes couleurs. Il en reconnaît l'éclat, l'arrangement. Il les touche comme pour s'assurer qu'il n'est pas trompé par une illusion. Puis il reste interdit, ne sachant comment s'expliquer ce qu'il voit. Je n'ai que faire de dire que 1000 conjectures, moins vraisemblables les unes que les autres, se présentèrent à son esprit. Tantôt il supposait que le hasard avait pu faire se rencontrer la veuve et la marquise, qu'elles s'étaient entendues ensemble et qu'elle lui renvoyait ce coussin d'un commun accord pour lui apprendre que sa perfidie était démasquée. Tantôt il se disait que Madame Delaunay avait surpris sa conversation de la veille dans le jardin et qu'elle avait voulu, pour lui faire honte, remplir la promesse de Madame de Parne. De toute façon, il se voyait découvert, abandonné de ses deux maîtresses, ou tout au moins de l'une des deux. Après avoir passé 1 heure à rêver, il résolut de sortir d'incertitude. Il alla chez Madame Delaunay, qu'il reçut comme à l'ordinaire, et dont le visage n'exprima qu'un peu d'étonnement de le voir si matin. Rassuré d'abord par cet accueil, il parla quelque temps de choses indifférentes. Puis, dominé par l'inquiétude, il demanda à la veuve si sa tapisserie était terminée. « Oui, » répondit-elle. « Et où est-elle donc ? » demanda-t-il. À cette question, Madame Delaunay se troubla et rougit. « Elle est chez le marchand, » dit-elle assez vite. Puis elle se reprit et ajouta. « Je l'ai donnée à monter. On va me la rendre. » Si Valentin avait été surpris de reconnaître le coussin, il le fut encore davantage de voir la veuve se troubler lorsqu'il lui en parla. N'osant pourtant faire de nouvelles questions, de peur de se trahir, il sortit de suite et s'enfuit chez la marquise. Mais cette visite lui en apprit encore moins. Quand il fut question de la causeuse, Madame de Parne, pour toute réponse, fit un léger signe de tête en souriant, comme pour dire « Je suis charmé qu'elle vous plaise ». Notre étourdi rentra donc chez lui, moins inquiet, il est vrai, qu'il n'en était sorti, mais croyant presque avoir fait un rêve. Quel mystère ou quel caprice du hasard cachait cet envoi singulier? L'une fait un coussin et l'autre me le donne. Celle-là passe 1 mois à travailler et quand son ouvrage est fini, celle-ci s'en trouve propriétaire. Ces 2 femmes ne se sont jamais vues et elles s'entendent pour me jouer un tour dont elles ne semblent pas se douter. Il y avait assurément de quoi se torturer l'esprit. Aussi le jeune homme cherchait-il de 100 manières différentes la clé de l'énigme qui le tourmentait. En examinant le coussin, il trouva l'adresse du marchand qu'il avait vendu. Sur un petit morceau de papier collé dans un coin était écrit « Au père de famille, rue Dauphine ». Dès que Valentin eut lu ces mots, il se vit sûr de parvenir à la vérité. Il courut au magasin du père de famille. Il demanda si le matin même on n'avait pas vendu à une dame un coussin en tapisserie qu'il désigna et qu'on reconnut. Aux questions qu'il fit ensuite pour savoir qui avait fait ce coussin et d'où il venait, on ne répondit qu'avec restriction. On ne connaissait pas l'ouvrière. Il y avait dans le magasin beaucoup d'objets de ce genre. Enfin, on ne voulait rien dire. Malgré les réticences, Valentin eut bientôt saisi, dans les réponses du garçon qui l'interrogeait, un mystère qu'il ne soupçonnait pas et que bien d'autres que lui ignorent. C'est qu'il y a à Paris un grand nombre de femmes, de demoiselles pauvres, qui, tout en ayant dans le monde un rang convenable et quelquefois distingué, travaillent en secret pour vivre. Les marchands emploient ainsi, et à bon marché, des ouvrières habiles. Maintes familles, vivant sobrement, chez qui pourtant on va prendre le thé, se soutient par les filles de la maison. On les voit sans cesse dans l'aiguille, mais elles ne sont pas assez riches pour porter ce qu'elles font. Quand elles ont brodé du tulle, elles le vendent pour acheter de la percale. Celle-là, fille de noble aïeux, fière de son titre et de sa naissance, marque des mouchoirs. Celle-ci, que vous admirez au bal, si enjouée, si coquette et si légère, fait des fleurs artificielles et paye de son travail le pain de sa mère. Telle autre, un peu plus riche, cherche à gagner de quoi ajouter à sa toilette. Ses chapeaux tout faits, ses sachets brodés qu'on voit aux étalages des boutiques, et que le passant marchande par désœuvrement, sont l'œuvre secrète, quelquefois pieuse, d'une main inconnue. Peu d'hommes consentiraient à ce métier, ils resteraient pauvres par orgueil en pareil cas. Peu de femmes s'y refusent quand elles en ont besoin, et de celles qui le font, aucune n'en rougit. Il arrive qu'une jeune femme rencontre une amie d'enfance qui n'est pas riche et qui a besoin de quelque argent. Faute de pouvoir lui en prêter elle-même, elle lui dit sa ressource, l'encourage, lui cite des exemples, l'amène chez le marchand, lui fait une petite clientèle. 3 mois après, l'amie est à son aise et rend à une autre le même service. Ces sortes de choses se passent tous les jours. Personne n'en sait rien, et c'est pour le mieux, car les bavards qui rougissent du travail trouveraient bientôt le moyen de déshonorer ce qu'il y a au monde de plus honorable. « Combien de temps ?» demanda Valentin. « Faut-il à peu près pour faire un coussin comme celui dont je vous parle ? Et combien gagne l'ouvrière ?»« Monsieur, » répondit le garçon, « pour faire un coussin comme celui-là, il faut 2 mois, 6 semaines environ. L'ouvrière paye sa laine, bien entendu. Par conséquent, c'est autant de moins pour elle. » La laine anglaise, belle, coûte 10 francs la livre. Le ponceau, le cerise, coûte 15 francs. Pour ce coussin, il faut 1,5 livre de laine au plus, et il sera payé 40 ou 50 francs à la bille ouvrière.